Manolo, il vivait d'abord à bord d'un grand bateau. Manolo, il était nageur, majeur et matelot. Manolo, il était pêcheur, pêcheur et chercheur, mâcheur. Manolo, il n'avait pas peur d'être chasseur, ma sœur. Manolo, à bord de l'escargot, et ce cargo, ce bateau. Manolo, il chassait la baleine, bas de laine et tricoco. Manolo, Manolo, Manolo, Manolo. Manolo, ton harpon est tendu, tendu, matin clément. Manolo, t'attrape le mammifère, mammifère autrement comment. Manolo, avec ton cétacé, tu crois pas non. Manolo, tu te feras de l'argent, les gens ils sont comme ça non. Manolo, à bord de l'escargot, et ce cargo ton bateau tôt. Manolo, tu chassais la baleine, bas de laine et tricoco. Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, à bord de l'escargot, et ce cargo ton bateau tôt. Manolo, tu chassais la baleine, bas de laine et tricoco. Manolo, tu chassais la baleine, bas de laine et tricoco. Manolo.